À quelle heure avez-vous quitté votre domicile? Vers 10 h, je suis allée faire des courses. Avez-vous fermé votre porte-à-clés? Oui, je le fais toujours lorsque je sors de chez moi. Et vous êtes rentrée à quelle heure? 1 h 30 plus tard, je crois. Vous avez l'habitude de sortir de chez vous à la même heure? Ça dépend des jours. Mais c'est vrai que le vendredi, je vais toujours faire mes courses vers cette heure-là. Il y a le marché sur la place de la mairie. Bon. Dites-moi ce qu'on vous a pris. J'ai trouvé l'appartement sans dessus-dessous, les vêtements par terre. Ils ont tout fouillé. J'ai vu qu'ils avaient pris mes bijoux dans mon coffre à bijoux, sur la commode et dans la chambre. Mais ils n'ont rien pris d'autre. Enfin, je crois. Pouvez-vous me décrire le plus exactement possible ce qu'ils vous ont dérobé? Un collier de perles, des bagues, des boucles d'oreilles, un bracelet. Je peux pas me rappeler tout ce que j'avais, mais j'ai des photos pour l'assurance qui me l'avait demandé l'an dernier. Ah, ça, c'est très bien. Alors, allez chercher les photos et on les mettra dans votre déclaration que vous signerez. Très bien, je reviens tout à l'heure.